D'après le journal d'internet sud-coréen Herald Economy, Fang Sang-min, ex-prof de la psychologie de l'université Yonsei, a comparé la mentalité de Bakune avec ceux qui ont vécu une vie sociale ordinaire, avant de conclure que le vrai âge spirituel de Bakune ne se conforme qu'à 17 ou 18 ans.